Chapitre 17e, le point de feu. Paulin Broquet, attaché à son banc, pouvait cependant voir approcher de plus en plus ce point de feu dans la nuit, mais il ne perdit pas de temps à cette contemplation. 2 minutes allaient s'écouler, il en restait 3. À la marge du point de feu, Paulin Broquet jugea que les bandits ne lui avaient pas fait bonne mesure de corde de mine. Zigomard lui avait dit 5 minutes, mais l'explosion se produirait bien quelques secondes avant, et jamais homme ne comprit aussi grandement que lui en ce moment la valeur du temps. Les bandits lui avaient laissé les jambes libres par un finement de cruauté, pensant que, dans sa terreur, il allait essayer de remuer, de se défaire, de s'éloigner de ce point de feu qui le suivrait partout, qui le rejoindrait. Alors le banc roulerait, et Paulin Broquet se pendrait lui-même au nœud coulant. D'une façon ou d'une autre, cette fois, il devait infailliblement périr. Mais Paulin Broquet, qui tout à l'heure avait paru veule, lâche, qui pleurait, demandait grâce, maintenant changea d'allure. Il avait les jambes libres, c'était beaucoup. Il se garda bien de faire des mouvements brusques, de tomber avec son banc, de se pendre au nœud coulant. Souple comme il l'était, habile à tous les sports, être attaché à un banc n'était pour lui pas grandement terrible. Cela entrait dans un des exercices de gymnastique utilitaire auxquels il s'exerçait et qu'il faisait pratiquer à ses hommes. Il remit ses pieds sur le banc. Par bonheur, il était plus grand que celui-ci. Ses pieds le dépassaient suffisamment. Il leva les jambes. Avec ses genoux, il essaya d'abord de défaire la cartouche de dynamite qu'on lui avait attachée au ventre, mais elle se trouvait trop haut. Il jugea qu'il perdrait son temps. Il restait 2 minutes à peine. Alors il leva les jambes, les ramena aussi haut que possible et les balança vers la terre, donnant au banc un coup de rein. C'est ce qu'en gymnastique on appelle le saut de carpe. S'il le manquait, il tombait avec le banc et demeurait accroché par la gorge. Il se tuait. Paulin Broquet l'essaya, mais il était trop serré sur le banc. Il ne pouvait donner le coup de rein nécessaire. Fatalement, il manquerait le saut et se pendrait. Il abandonna le saut de carpe. Mais pendant ces secondes, le point de feu se rapprochait toujours. Paulin Broquet tenta la dernière chance qui lui restait. Pendant qu'on lui posait le baillon, il avait serré aussi fortement les dents que possible, tout en avançant les lèvres. Maintenant, il ouvrit la bouche. Le baillon flotta un peu, entra dans la bouche. Il pouvait non parler, mais mordre. Paulin Broquet avait une bonne et solide mâchoire. Le nœud coulant n'était pas passé derrière son cou, mais devant, sur la glotte. Il leva la tête, la rapprocha de la corde, et put la saisir avec les dents. Il n'hésita pas, serra cette corde de toute la puissance de ses mâchoires, et d'un coup de jambe, retourna son banc. Le point de feu était tout près. Paulin Broquet, dans ce mouvement, se trouva à genoux. Une fois dans cette position, il se dressa sur les pieds, enlevant le banc attaché à son dos. Alors, debout, il lâcha le nœud coulant dont la corde maintenant très lâche pendait sur sa poitrine. Et il put pencher la tête, regarder le point de feu. Fort heureusement, il traînait encore à terre. Promptement, Paulin Broquet posa le pied dessus. Il l'appuya fortement et l'éteignit. Maintenant, il pouvait respirer. Ni explosion, ni pendaison n'étaient à craindre. Mais il n'était pas sauvé pour cela, car il demeurait prisonnier, fortement lié à ce banc et gardant tout de même la corde au cou. Ce qu'il pouvait redouter, c'était de voir revenir Zigomard, étonné de n'avoir pas entendu l'explosion. Mais cela ne serait que dans un assez long moment. Zigomard savait que souvent les mèches, les cordons à mine sont infidèles et qu'ils durent parfois beaucoup plus longtemps qu'on ne l'avait calculé. Il suffit d'un rien pour retarder la marche du feu, d'un peu d'humidité, d'une brisure dans le cordon, d'un défaut invisible de fabrication. Or, la prudence commençait d'attendre qu'il soit permis de juger que normalement le feu doit être non seulement arrêté, mais même éteint. Sans quoi, venant trop tôt, on s'expose, comme il arrive malheureusement souvent, à sauter. Il faut, dans un cas de retard pareil, accorder le plus de temps possible. Donc, Paulin Broquet ne redoutait pas une venue prochaine de Zigomard. Mais il n'en restait pas moins dans le grenier, lié à un banc, avec au cou ce nœud coulant dont il ne pouvait malgré tout se défaire. Il lui était possible de tourner la tête, de faire aller ses mâchoires, de remuer les jambes, mais c'était tout. Sans doute, vous penserez que c'était beaucoup pour un homme qui en ce moment aurait dû, selon les prévisions de Zigomard, être coupé en deux, tailladé en plusieurs morceaux par l'explosion de la cartouche de dynamite, et direz-vous qu'il pouvait se féliciter de son sort du moment qu'il vivait. mais à tout bien considérer, être projeté en miettes dans l'espace ou demeurer ainsi indéfiniment réduit à l'immobilité, une corde de gibet au cou, un banc dans le dos, mains liées et bouche bâillonnée, quel était le préférable? Cependant, un homme comme Paulin Broquet ne pouvait s'en tenir à cela seulement qu'il avait sauvé sa vie. Pour lui, ce n'était nullement suffisant. Ce n'était en somme qu'un commencement. Tout le reste était à faire. S'échapper, se tirer des mains de Zigomar encore une fois, revenir parmi ses hommes et reprendre la campagne. Tout à l'heure, tout en roulant des yeux qui semblaient remplis d'épouvante, Paulin Broquet regardait autour de lui. Il étudiait les êtres du singulier atelier de photographie. À droite, l'inclinaison du mur lui indiqua que là se trouvait le toit et par conséquent en dessous la façade donnant sur la rue. Un carré de drap noir était tendu de ce côté sur des fils de fer, et ce carré, par moments, s'agitait, remuait. Broquin n'eut pas besoin de toute sa perspicacité pour deviner que là se trouvait une fenêtre à tabatière, un œil dans le toit, une ouverture quelconque donnant sur le ciel. Mais à quelle distance était-elle, cette ouverture? Pourrait-il y arriver? Il était tenu par le cou comme une chèvre à son piquet et ne pouvait aller loin. Puis, dans la nuit, comment se diriger sans heurter une chaise, une table, faire du bruit, donner l'alarme aux bandits, certainement aux écoutes, sans se perdre à nouveau en voulant tenter cette chance fallacieuse de salut? Paulin Broquet se dit « Je ne peux rester indéfiniment comme ça, donc je dois tout faire pour me tirer de là. » Il tourna d'abord sur place, et tout en tournant ainsi sur place, il mordillait son bâillon. Non content de le mordre, ce bâillon, il frottait sa tête contre le banc, contre l'angle du banc, pour non pas user ce morceau de drap épais, que pas plus qu'avec ses dents, excellente cependant, il ne parviendrait à couper, mais pour le faire glisser. On le lui avait attaché assez rapidement d'ailleurs, comptant qu'il tiendrait toujours assez pendant 5 minutes, non au-dessus des oreilles, mais sur les oreilles même. En dessus, rien n'aurait pu l'enlever si on ne défaisait pas le nœud. Mais sur les oreilles, s'était entourée la partie la plus large du crâne, par conséquent celle où un bâillon devait le moins tenir. Aussi Paulin Broquet parvint-il, tout en pressant ses oreilles contre le banc, en diminuant ainsi encore la surface enserrée, à faire glisser peu à peu le bâillon. Il l'amena jusqu'à la base de son crâne et enfin ce bâillon tomba sur son cou à côté du nœud coulant. Pendant qu'il se livrait à ce travail, qu'il mettait en sang ses oreilles, il avançait petit à petit dans la direction de la croisée. Il arriva bientôt au bout de la corde. Pourquoi était-il venu jusque-là? Dans quel but? Qu'espérait-il? Il comptait atteindre la croisée. Une fois là, il verrait. Mais que faire sans bras, sans mains, lié à un banc, une corde au cou? Fort heureusement, la corde lui permit d'arriver à la croisée. Il sentit la fraîcheur plus douce à son front, et frôla même la toile noire qui masquait au dehors les lumières de l'atelier. Paulin Broquet allongea le cou tant qu'il put. La corde arrivait juste, tout juste. Dans un flottement du voile, il put le saisir entre ses dents. Il le mâcha, en attira le plus possible dans sa bouche, puis, quand il sentit qu'il tenait une bonne prise, il tira sans secousse, mais fortement. Le voile était cloué au mur. Il céda aux endroits où les clous le piquaient. Il tomba. Aux yeux de Paulin Broquet, à travers la fenêtre, apparut le ciel pointillé d'étoiles d'or qui semblait lui sourire. Paulin Broquet se rappela avoir déjà goûté une joie pareille, quand, dans l'égout, il aperçut le trou percé dans le regard du trottoir. Mais de même qu'à ce moment, il ne se crut pas au bout de ses peines, ni tout à fait délivré. Ici, il ne perdit pas de temps. La croisée était une sorte de lucarne à tabatière formée de 2 lames de verre tenues dans un châssis en fer. La lucarne des toits mansardée de Paris. Elle permettait d'apercevoir la lueur falote d'un bec de gaz de l'avenue. L'avenue dans laquelle ces hommes étaient postés attendant le signal. Ah, s'ils pouvaient le leur donner! Mais comment? La lucarne n'était pas entièrement ouverte. Elle était seulement soulevée, accrochée à 2 ou 3 crans de la tige qui supportait le châssis. Cela n'était pas suffisant pour qu'un appel pût passer au dehors. Paulin Broquet pourrait crier, on ne l'entendrait pas. Alors il mesura la distance avec un pied. Il essaya de briser un carreau, mais la lucarne était au rebord du toit et Paulin Broquet ne pouvait l'atteindre, son pied n'arrivant qu'à 5 ou 6 centimètres de la vitre. Il s'allongea tant qu'il put, tira sur la corde au risque de s'étrangler, de suffoquer. Il ne gagna pas cette courte distance. Ainsi, pour quelques centimètres, tout ce qu'il avait fait jusqu'ici se trouvait anéanti. Tant de courage, de volonté, d'énergie ne servaient à rien. Paulin Broquet ne se laissait pas abattre. Il ne se désespérait jamais. Il résolut de tenter un coup suprême, de la dernière audace, de folie. C'était sa dernière carte, son dernier atout. Il savait que s'il ne donnait pas le signal, si longue que fût son absence, ses hommes ne bougeraient pas, ne viendraient pas à lui, n'entreraient pas dans la maison des époux Mélidon pour ne pas risquer de compromettre l'aventure. C'était entendu, convenu, réglé. Rien donc à espérer de ce côté. D'un autre côté, les Igomards, n'entendant pas l'explosion de la cartouche de dynamite au bout d'un temps plus ou moins long, allaient venir chercher la raison de ce silence. Paulin Broquet se savait perdu, mais il voulait quand même essayer de se sauver. Il imagina de saisir avec ses dents fortement la corde au-dessus d'une eau coulant. Puis, il se lancerait les pieds en avant et gagnerait ainsi les quelques centimètres qui manquaient. Il briserait les glaces et il retomberait dans l'atelier, toujours suspendu par les dents. Bien souvent, il avait au gymnase fait des exercices de mâchoire. Bien souvent, il s'était balancé au trapèze, accroché comme un fox-terrier à un mouchoir qu'il tenait dans ses dents. Il saisit donc la corde, la mordit, s'assura par quelques tractions préliminaires qu'il tenait bien. Alors, il remet en arrière, pris de l'élan. Il allait se jeter quand, dans l'air, un coup de sifflet strident fit entendre un long « Pioui !»